Voilà, frères et sœurs, Jésus, encore une fois, est devant les pharisiens, ces docteurs de la loi, ces hommes qui sont pétris de justice légale. Et un homme s'approche de Jésus. Jésus voit bien qu'autour de lui, il y a ses justiciers. Et il y a un homme qui s'approche de lui avec le ventre bien rebondi par l'hydropysie. Vous savez, cette hydropysie, c'est cette rétention d'eau, alors je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous décrire précisément le problème, mais qui peut conduire à des œdèmes très graves, qui se généralisent et qui donnent la mort. Et cet homme s'approche de Jésus, comme tous les malades de son temps, qui sont près de lui, s'approche de lui, bien sûr, pour recevoir une guérison. Malheureusement, c'est le jour du sabbat. Alors, pour un juif, le jour du sabbat, on ne fait rien, on ne touche à rien. On ne fait rien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait rien? C'est ça le problème. Pourquoi est-ce qu'on ne fait rien? On ne fait rien parce que, avec le Seigneur, on sanctifie ce jour. On offre ce jour à Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on offre ce jour à Dieu? Pour permettre à Dieu d'agir dans le monde. Vous voyez, c'est tout le sens de notre vie. Nous offrons le monde, notre vie, à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas agir dans le monde si on ne lui offre pas le monde. Si on ne lui offre pas les âmes, Dieu ne peut pas agir dans les âmes. C'est à ça que sert le sabbat. C'est à ça que sert pour nous le jour du Seigneur. C'est à ça que sert la messe. Pour que nous offrions à Dieu son Fils et avec lui toute l'humanité à laquelle il s'est uni. C'est comme ça que Dieu peut agir dans notre monde. Donc, lorsque le jour du sabbat, comme par hasard, Dieu agit, il ne faut pas s'étonner. C'est exactement pour ça qu'est le sabbat. Mais les Juifs n'ont pas reconnu Dieu dans le Christ. Et c'est là leur drame, c'est là leur grand péché. C'est qu'ils n'ont pas reconnu que le Christ était Dieu. Alors, on ne va pas faire tout un développement sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire le jour du sabbat, pour nous le dimanche. Bien sûr, le Seigneur ne veut pas qu'on travaille comme des esclaves le dimanche. Parce qu'il veut que tout notre travail, tout ce que nous avons fait dans la semaine, nous prenions le temps d'arrêter pour l'offrir à Dieu. Mais plus que ça, ce que le Seigneur veut nous inviter à faire ce matin, c'est à prendre conscience que nous n'offrons pas suffisamment le monde, nos âmes, nos vies, tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont loin de Dieu, tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui le cherchent sans trop savoir le trouver ou qui n'ont pas la force de se mettre à sa suite, que nous lui offrions tous les jours dans la messe, si nous le pouvons, et au moins en ce jour sacré, ce jour consacré qui est le dimanche, pour que Dieu puisse agir dans leur vie. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous confier tant d'âmes pour que, ensemble, nous puissions les offrir maintenant au Seigneur. J'aurai beaucoup de prénoms à vous donner, beaucoup d'âmes qui sont ici au Lavandou, qui ont été touchées par le Seigneur à un moment donné, mais qui n'arrivent pas à le suivre, qui sont prises par justement le monde, par le travail, vous voyez, avec les saisons là, qui n'arrêtent pas de travailler sans cesse et qui ne viennent plus à la messe. Parce que, eh bien, il y a trop d'autres choses, parce qu'il y a trop d'autres dieux qui prennent la place. Alors que nous les offrions au Seigneur ce matin, tous ensemble, si vous êtes d'accord. Toutes ces âmes, il y en a peut-être, 6 000 ici au Lavandou, puisque nous sommes 6 400, puis il y a peut-être 2, 3, 400 personnes qui viennent à la messe régulièrement, et il y en a 6 000 qui ne le connaissent pas du tout. Mais je pense en cas particulier à quelques personnes que je sais travaillés par le désir de Dieu, mais qui sont bien prises par les filets du monde. Alors pour que Dieu puisse agir dans leur vie, que Dieu puisse les guérir aussi, puisqu'il y a des malades dans tout ça, que Dieu puisse les sauver, prions ensemble ce matin, si vous le voulez bien. Nous ne sommes pas bien nombreux, nous sommes 5, 8, 9, pour offrir au Seigneur, mais vous voyez, 9, c'est déjà beaucoup. Si nous le faisons avec toute notre âme, toute notre force, pour que le Seigneur puisse sauver les âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.